Lizzy présente Star Wars, la Haute République, la lumière des Jedi, de Charles Saule, traduit de l'anglais par Sandy Julien et Lucille Gallio, lu par Emmanuel de Koenig. Pour Anna, Sam, Chris et Jay, qui aiment Star Wars tout autant que moi. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. La galaxie est en paix. Placée sous le règne de la glorieuse République, ainsi que sous la protection des nobles et sages chevaliers Jedi. Symbole du bien sous toutes ses formes, le flambeau stellaire est sur le point d'être inauguré par la République dans la bordure extérieure. Cette nouvelle station spatiale aura pour rôle de porter la lumière et l'espoir jusqu'aux confins de la galaxie. Mais tandis qu'un formidable vent de renaissance souffle sur la République, un nouvel adversaire effrayant déploie ses forces. Les gardiens de la paix et de la justice doivent dès lors faire face à une menace pesant sur l'ordre, la galaxie et la force elle-même. La force est avec la galaxie. C'est l'époque de la Haute République, l'union paisible de mondes partageant les mêmes valeurs, où toutes les voix sont entendues et où l'on gouverne par le consensus plutôt que par la coercition et la peur. C'est une ère d'ambition, de culture, d'inclusion, de grandes œuvres. Visionnaire, la chancelière Lina So dirige la République depuis l'élégant monde cité de Coruscant, proche du centre éblouissant du noyau galactique. Mais au-delà du noyau et de ses nombreuses colonies pacifiques, se déploie la bordure intérieure, la bordure médiane et enfin, à la frontière de l'espace connu, la bordure extérieure. Ces mondes foisonnent d'occasions à saisir pour ceux qui ont le cran d'emprunter les rares voies hyperspatiales qui y conduisent. Mais le danger y rôde également. La bordure extérieure est un refuge pour tous ceux qui cherchent à se soustraire aux lois de la République et les prédateurs en tout genre y abondent. La chancelière So s'est engagée à amener les mondes de la bordure extérieure dans le giron de la République au moyen d'ambitieux programmes de proximité tels que le flambeau stellaire. Mais tant que la station n'est pas opérationnelle, le maintien de l'ordre et de la justice à la frontière de la galaxie repose sur les chevaliers Jedi, des gardiens de la paix dotés d'incroyables pouvoirs issus d'un mystérieux champ d'énergie que l'on appelle la Force. Les Jedi travaillent en étroite collaboration avec la République et ont accepté d'installer des avant-postes dans la bordure extérieure pour venir en aide à quiconque nécessite leur soutien. Les Jedi de la frontière constituent parfois le seul recours de ceux qui n'ont plus personne vers qui se tourner. Bien que les avant-postes opèrent en autonomie, sans aide directe de la part du grand temple Jedi de Coruscant, ils dissuadent efficacement les velléités d'individus malveillants qui manigancent dans l'ombre. Rares sont ceux qui parviennent à tenir tête aux chevaliers de l'ordre Jedi. Ce qui n'empêche pas certains d'essayer.